papa nazali pe na kozala tango nyonso reconnaissance epai na yo mpona oyo osalelaka ngai. Zala reconnaissant dans Zambé wana motika ete azali malao. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un autre comme toi, Jésus. Mourir pour moi, un autre comme toi, Jésus. Mourir pour moi. Lolingo zali, ezali moto na mokilite, ezali nde nzambe nde alingaki. Papa ya mabote belé. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un autre comme toi, Jésus. Mourir pour moi, un autre comme toi, Jésus. Mourir pour moi. Yo zali papa ya mabote belé, ozali papa ya bikolo nyonso. De la main, oh Jésus. Vous allez pour Nanga et Longa, vous allez pour Nanga et Makasi. Nous allons qui m'entend papa, quand il a manqué, il y a eu. Nani a copé sa valère, Nami soya bako. Yesu ya la cotinga, la bonne bonne la foule. Ayoga qui singa, ayawe. Yo sa malamu, papa na pesa yo